je signe, j'écris, mais je trime, déprime, décrime, déprime, déprime, au détriment des traumas, j'ai trop mal, trop mal, les trop de mal, dans ma life, c'est mes love, mais bon, là, c'est bon, j'ai fait mes lobes, j'prends les games en otage comme un criminel, j'fais rentrer dans la secte comme Bobby Cruz, disant ça, le noir est bien le cerf humain, prends pas 10 ans pour tuer ses bas citizens, j'enlève le bardon plein échange de coups, la game noire est pleine, tu n'as plus de coups, tu n'as plus de fame, plus de fans, plus de scène, drame, plus de crew, arme dans la soute, l'arme dans la croûte, l'arme sans la goutte, bam, c'est le coup de feu, coup de choc, tous bloc, plus de force, brut, glock, j't'élimine, main en l'air, c'est aucun possible crime, nique ta mère quand t'as pas su faire le signe, même salaire sans aucune possible prime, même galère pourtant t'as acheté tes streams, main en l'air de la croix, je fais le signe, dans sa chevou, mais c'est la gélatine, elle promet que car n'aime pas faire la fine, entre rage, je m'écoute dans la déprime, tout enculé sans reculer, putain, j'ai mis à dissimuler, autotuné, pas retuné, platinon sous dissimulé, devant mère, amour et joie, c'est le signe, lui aura fait ses premiers pas dans le crime, papa contenté, ben loin de l'insigne, toujours en train d'insulter les instances, une fausse délinquance, tu tapes à l'usine, la vie c'est dur avec ou sans écu, les SDF, j'aurais pas vivre à la rue, et si c'est même pas hésiter, ils prennent tout même quand y'en a plus, un crédit mal anticipé, tu voles, tu braques, t'as la feuille, ou des gyrophares, tu prends la fuite, les nègres viennent que pour les clips, en cas d'embrouille, y'a plus d'équipe, les nègres comme nous y'en a plus, pas de marche arrière, pas de retouche, je l'ai ken, elle a fait une fausse couche, j'ai grandi tout seul comme ma bite dans sa bouche.